Après ça, les gens ils disent comment se fait que moi, je suis jamais. Comment se fait que je suis jamais avec ces gens-là? Comment se fait que c'est. Tu peux pas être avec ces gens-là, ça vibre pas! T'es fatigué! T'es mémé! Tu commets! Tu jases! Tu parles pas, tu jases! Quelqu'un t'écoute, faut que tu lui dises quelque chose, faut que tu lui donnes quelque chose, faut que tu lui fasses passer quelque chose. Là, il va t'écouter. C'est le fun de parler avec du monde quand tu sens que c'est solide, ce qui sort. Puis il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent dans les séminaires, ça fait pas longtemps, puis tu sens déjà que c'est solide. Ils ont déjà tout un apprentissage derrière eux autres, ils ont toute leur vie, leur expérience. Puis il y a des gens qui sont, ils peuvent être dans les séminaires pendant 40 ans, puis ça vient pas. Sacrément, tu te décourages, tu prends du coke. Il y a du monde, ça vient pas, on dirait que c'est comme une toilette, tu mettrais du Draino. Ils sont bloqués. Moi, ça me dépasse. Vous pouvez rire. C'est effrayant. Je dis pas si t'as des cours de physique à l'Université de Montréal. Mais, faut que t'es aimes pareil, faut que t'es... Mais tu peux pas faire de party pis les inviter chez vous. Ils vont monter dans les rideaux. On devrait être capable, nous autres, de faire des petits parties, puis avoir du fun, puis tu sens, là, tu sais. C'est un party à Noël, là. Il y en a qui ont décroché complètement. Danser, dans une forme, danser, ils sont plus capables. Ils sont plus capables d'intégrer le physique avec le mental. Fait que t'es obligé de faire des petits parties à sauvette, là. Même tous les 1000 personnes conscientes, tu peux en faire tout un party? On a du fun? Non, il y en a qui sont dans les coins, ils sont croches, là, puis ils regardent les autres, puis ça, ils sont tous gelés. Des vrais paraplégiques. C'est parce que les gens sont pas à la hauteur d'eux-mêmes. Mais l'évolution, c'est de même. Il y en a qui vont vite, puis il y en a qui sont slow. Mais ça, on n'y peut rien. C'est sérieux, supramental, c'est pas trop. Pardon? C'est sérieux, supramental, c'est ça que le monde dit. C'est sérieux, supramental. Ouais, et danser, puis s'amuser, puis avoir du fun, là, c'est pas supposé de. Ouais. D'avoir des vibrations douteuses comme du rock'n'roll. Non, on existe, il faut être aussi. Peut-être que la nature et les gens, quand même, disons que les gens, même, qui sont une nature. La danse, c'est plaisir. La danse, ça les intéresse pas plus que ça. Ah, mais que les gens, ça les intéresse pas, la danse, c'est une chose. Mais que les gens soient toutes croches parce que ça danse, c'est une autre affaire. Moi, ça m'intéresse pas de faire du ski. Mais c'est pas parce que ça, moi, ça m'intéresse pas de faire du ski que les gens qui font du ski, ça marche pas. T'sais. Faut vivre puis laisser vivre. C'est

Qu'on nous en donne de tes expériences. Est-ce qu'elle nous en raconter une? Oui. Quoi? Qu'on nous en donne une bonne. C'est bon. Paul. Comment est-ce que la pire ou la moitié? La pire. Prends le micro, viens. Pour qu'on l'entende tout. Viens. C'est intéressant. Parle aussi fort. Ouais, ouais. Ah oui, la rencontre. Est-ce que je raconte la situation dans laquelle c'était produit? Ouais. J'étais dans un restaurant avec un ami. Je venais juste d'arriver, puis tout à coup, j'ai commencé à me sentir mal, physiquement. Premièrement, des sueurs froides, ensuite voir que le décor changeait, le visage des gens s'allonger. En tout cas, une déformation visuelle de l'environnement. Ensuite, sentir des sueurs froides. Je pensais que j'étais pour perdre connaissance, je pensais que j'étais pour vomir, je pensais que j'étais pour mourir, tout ça en même temps. Puis, c'était vraiment fréquent. Puis là, tout à coup, j'ai senti que je basculais dans quelque chose qui n'était pas réel, qui n'était pas la réalité, dans ce qu'on met, réalité. Puis, en tout cas, c'est une espèce d'hallucination qui a duré 3 heures. Puis, c'était à la fois, c'est tous les sens qui étaient dans ça. Pour participer à cette expérience-là, c'était si étrange parce que comme sensation, c'est que j'étais le sphinx. Je me sentais le sphinx, comme si j'étais en pierre. En même temps, j'étais vide, en même temps, j'étais pleine. J'avais... En même temps, il y avait comme des images et des sensations. Donc, c'était la guerre, la famille, la peste, tout ça. Puis je le vivais, j'étais dedans, comme si j'étais dans la situation à cette époque-là, à ce moment-là. Puis c'est tout ce qui s'est fait en même temps. Chaque chose séparément, mais c'est en même temps. Si ça durait 10-3 heures, puis pendant ce temps-là, ben, j'ai pas bougé. Puis la personne qui était avec moi me parlait. J'entendais rien, je ne voyais rien. J'étais absolument incapable de bouger. J'étais. Tous mes membres étaient collés contre mon corps. C'est assez difficile à expliquer. Puis. C'était vraiment, c'était pas une hallucination, je suis là en réalité. Ça, c'est simplement une illusion, mais c'était vraiment ça, c'est comme si je vivais. C'était vrai, c'est pas comme une imagination. Tu vivais la mémoire. Tu vivais une mémoire. Réellement. Mais t'en as plus des grosses des expériences que ça aussi intenses maintenant? Non, L'intensité des frayeurs qu'on pouvait avoir un rapport avec les anxiétés qu'on avait trouvées. Je parle de forcer. C'est quoi ça? Je rappelle d'avoir parlé de ça. Et l'inquiétude ou l'anxiété qu'on a vécu par le passé, est-ce que les frayeurs, en fait, la quantité ou l'intensité des frayeurs qu'on peut avoir sont relatives à la quantité d'inquiétude? Est-ce que ça peut être une pièce de mesure qu'on peut établir? Ça dépend. Si les expériences passées ont été traumatisantes, automatiquement, elles sont fixées dans la mémoire. Et si c'est très fixé dans la mémoire à ce moment-là, ça émotivement, on en paie le prix. Ça dépend des expériences. Parce que s'il fallait que les hommes vivent des expériences en relation avec leur mémoire, ce serait pas, l'homme ne pourra pas vivre sur la terre, l'homme craquerait. Mais il y a des expériences qui sont très, très intenses et qui demeurent suffisamment près de la conscience de l'homme. Et ce sont ces expériences-là qui servent de fond à tout ça.

Parce que quand on est dans l'esprit, on est dans... On... Quand on est dans l'esprit, on est dans une énergie. Et on vit de ça. Autant que oui, tu peux avoir du plaisir à m'entendre, autant moi j'ai du plaisir à m'entendre. Je m'écoute parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça être dans l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça appartient pas à l'ego. D'accord. Tant que ma femme est là.